Dernière partie, premièrement, le premier roman de Restif. L'intérêt des mémoires, des confessions, des autobiographies, des voyages même, tient à ce que la vie de chaque homme devient ainsi un miroir, où chacun peut s'étudier dans une partie, du moins, de ses qualités ou de ses défauts. C'est pourquoi, dans ce cas, la personnalité n'a rien de choquant, pourvu que l'écrivain ne se drape pas plus qu'il ne convient dans le manteau de la gloire ou dans les haillons du vice. Chez saint Augustin, la confession est sincère. Elle ressemble à celle que les anciens chrétiens faisaient à la porte d'une église, devant leurs frères assemblés, pour obtenir l'absolution de certaines fautes qui leur fermaient l'entrée du Saint-Lieu. Chez le bon Laurence Sterne, cela devient une sorte de confidence bienveillante et presque ironique, qui semble dire au lecteur « Vaux-tu mieux que moi ?» Rousseau a mêlé ces deux sentiments si distincts et les a fondus avec la flamme de la passion et du génie. Mais il s'est abaissé en public par des confidences qui n'appartenaient qu'à l'oreille de Dieu. S'il a répandu d'un autre côté des flots d'ironie destructive sur ceux qui se jugeaient meilleurs que lui-même, il voulait du moins servir la vérité. Il croyait attaquer des vices et ne s'apercevait pas que l'humaine nature s'appuierait de son exemple pour excuser de mauvaises inclinations sans accepter en revanche les remords, les privations, les tortures morales qu'il s'imposait pour les expier. On peut dire surtout que Rousseau, s'il a présenté dans ses confessions des tableaux séduisants, n'a jamais eu l'intention d'outrager les mœurs. Il écrivait dans une époque dépravée et pour une société privilégiée, à laquelle l'épisode des demoiselles Gallet, celui de la courtisane de Venise et sa liaison avec Madame de Varence, n'offraient même qu'un ragoût bien fade et bien faiblement épicé. Il emmiellait parfois d'un peu de cynisme les bords du vase qu'il croyait avoir rempli d'une généreuse boisson. Quant à Restif, son concurrent rustique et vulgaire, comment chercherions-nous à l'excuser? Ce n'était pas aux belles dames, aux grands seigneurs blasés, aux financiers, aux gens de robe, aux coquettes que s'adressaient ses livres. C'était à ces classes bourgeoises qui, bien qu'étant encore du peuple, en différaient de plus en plus par l'éducation et par l'oubli progressif de ce qu'on appelait alors les préjugés. Si Rousseau disait quelquefois « Jeune homme, prends et lis !» d'autres fois il s'écriait en tête d'un ouvrage « qui aujourd'hui passe pour fort peu dangereux. Toute jeune fille qui lira ce livre est perdue. » La misère et l'orgueil ont empêché Restif d'en faire autant. Ses livres s'adressaient sous toutes les formes à quiconque savait lire. Les titres excitaient l'attention de tous. Des gravures nombreuses, attrayantes dans leur médiocrité même, séduisaient les regards de la foule. Le roman moderne, dans ses combinaisons les plus violentes, n'offre rien de supérieur à ces images d'enlèvement, de viol, de suicide, de duels, d'orgies nocturnes, de scènes contrastées, où la vie crapuleuse des halles mêle ses exhalaisons malsaines aux parfums enivrants des boudoirs. Par exemple, voici le vieux Pont-Neuf, vu de nuit, et plus haut, la Samaritaine. Des voleurs cachés sous l'arche Marion évitent la clarté de la lune. Un fiacre s'est arrêté sur le pont, une femme qui en serait précipitée dans l'eau noire. Un gentilhomme se penche sur le parapet, un autre s'élance de la portière ouverte. Qui n'a vu partout cette gravure? Qui ne s'est demandé que signifie cela? En faut-il plus pour le succès? Les romans de Restif n'ont pas dû leur vogue à ces seuls moyens, dont ses contemporains d'ailleurs ne se faisaient pas faute. Ils peignaient souvent avec feu, quelquefois avec grâce et avec esprit, les mœurs des classes bourgeoises et populaires. Le peu qu'il savait du monde lui venait de ses fréquentations avec Beaumarchais, la Reynière et la comtesse de Beauharnais, puis encore de certains salons mixtes entre la robe et la noblesse, où il fut reçu quelquefois par curiosité, mais ce sont les mœurs des classes bourgeoises et populaires que peignent principalement ses romans, ses nouvelles et ses longues séries de contes connus sous le titre des contemporaines, des parisiennes, des provinciales, qui firent les délices de la province et de l'étranger longtemps après que Paris les eut oubliées. Nous avons jusqu'ici séparé, pour ainsi dire, dans Restif, l'écrivain de l'homme. Il nous reste à montrer cette étrange nature sous un dernier aspect, à raconter cette vie littéraire qui, dans ses écarts et ses bizarreries, reflète le cynisme du XVIIIe siècle et présage les excentricités du XIXe. Ce qu'on connaît de l'homme nous aidera d'ailleurs à mieux apprécier le procédé du conteur. On s'assurera sans peine que tous les romans que Restif a écrits ne sont, avec quelques modifications et les noms changés, que des versions diverses des aventures de sa vie. À l'en croire, toutes ses héroïnes auraient été ses maîtresses. Le nombre même en est tel qu'il a composé un calendrier. et que les 365 notices consacrées au principal remplissent tout un volume. Quelle faculté d'attraction avait donc cet homme, qui s'est représenté lui-même comme la nature la plus fortement électrisée de son siècle? Nous devons croire qu'il s'est mêlé, dans les dernières années de sa vie, beaucoup d'infatuation et quelque peu d'hérétisme maniaque à ses énumérations. Préoccupé du nombre des bonnes fortunes de sa jeunesse, il croyait rencontrer partout quelqu'un de ses rejetons. De postérité légale, il n'eut que les enfants d'Agnès Lebègue, deux filles dont l'existence devint un long sujet de procès, avec sa femme d'abord, et ensuite avec son gendre nommé Auger, qui paraît avoir été la cause des plus grands chagrins de sa vieillesse. Ce sont tour à tour les mémoires de M. Nicolas, le drame de la vie et les nuits de Paris qui nous révéleront sous toutes ses faces la vie littéraire de Restif. Lui-même nous apprend comment il fut conduit à écrire son premier roman. Le mariage de Restif avec Agnès Lebègue n'avait pas été heureux, comme l'on sait. Après plusieurs infidélités réciproques, ils convinrent cependant de supporter de leur mieux la vie commune. Le travail assidu d'un simple ouvrier ne pouvait suffire aux habitudes de dissipation d'une femme coquette. Restif, découragé, travaillait peu à l'imprimerie royale, où il venait d'entrer et se laissait souvent surprendre à lire en cachette les chefs-d'œuvre des beaux esprits du temps. Il arrivait alors que le directeur, Anisson Duperron, lui rabattait une demi-journée de 25 sols. Sa misère et son avilissement devinrent tels que, sans la crainte de déshonorer son père, il aurait, il l'avoue, pris quelque parti vil et bas. Cette lutte intérieure, qui rappelait sans cesse à sa pensée les vertus d'Elme Restif, que dans son pays on avait surnommé l'honnête homme, lui fit dès lors concevoir l'idée d'écrire le livre intitulé « La vie de mon père », qui parut quelques années plus tard et qui est peut-être le seul irréprochable de ses écrits. Cependant, pour écrire une œuvre de longue haleine, il fallait plus de force morale et plus de loisirs que Restif n'en avait alors. Une veine plus favorable s'ouvrit pour lui. En 1764, un de ses amis lui fit avoir la place de prote chez Guillot, rue du Fouarre. C'était une affaire de 18 livres par semaine, outre une copie de tous les ouvrages, ce qui valait 500 livres en plus. Cette bonne chance dura 3 années. Le goût du travail revint avec une telle amélioration dans l'existence, et ce fut grâce au loisir de cette position que Restif écrivit son premier ouvrage, La famille vertueuse. Avec une franchise que n'ont pas tous les écrivains, il avoue qu'il n'a jamais pu rien imaginer, que ses romans n'ont jamais été, selon lui, que la mise en œuvre d'événements qui lui étaient arrivés personnellement, ou qu'il avait entendu raconter. C'est ce qu'il appelait la base de son récit. Lorsqu'il manquait de sujet, qu'il se trouvait embarrassé pour quelque épisode, il se créait à lui-même une aventure romanesque, dont les diverses péripéties, amenées par les circonstances, lui fournissaient ensuite des ressorts plus ou moins heureux. On ne peut pousser plus loin le réalisme littéraire. Ainsi, passant un dimanche par la rue Contrescarpe, Restif remarque une dame, accompagnée de ses deux filles, qui se rendait au palais royal. La beauté de l'une de ces personnes le frappa d'admiration. Il s'attache au pas de cette famille et se fait remarquer à la promenade, en s'asseyant sur le même banc, et par divers moyens analogues. Il suit encore les dames à leur retour. Elles demeurent rue Traversière, dans un magasin de soieries. À partir de ce jour, Restif vient tous les soirs admirer à travers le vitrage la belle Rose Bourgeois, comme il faisait autrefois pour Zéphyr. Le souvenir chéri de cette pauvre fille lui donne l'idée d'écrire des lettres amoureuses, qu'il glissera par un trou de boulon dans la boutique. Les jours suivants, il parvient à en introduire une tous les soirs, et après avoir fait le coup, il repasse indifféremment. Le père et la mère sont en possession de la lettre qu'on lit à haute voix comme une plaisanterie, d'autant qu'on ne sait à laquelle des sœurs s'adresse la déclaration. Cela dure 12 jours. Une telle insistance paraît plus sérieuse. On poursuit en vain le coupable. Enfin, un soir, les voisins le signalent. On l'arrête et les garçons de boutique se disposent à le conduire chez le commissaire. La rue était pleine de monde. Le père, craignant le scandale, fait entrer Restif dans l'arrière-boutique. « Il ne faut pas lui faire de mal, » disaient les deux sœurs. « On ferme la porte. « Vous avez écrit ces lettres, » dit le père. « À laquelle de mes filles ?»« À l'aînée. » Il fallait donc le dire. « Et maintenant, de quel droit cherchez-vous à troubler le cœur d'une jeune personne et même de deux ?»« Je l'ignore, un sentiment impérieux. » Il se défend avec chaleur. Le père s'attendrit et dit enfin, « Il y a de l'âme dans vos lettres. Faites-vous connaître, tirez parti de vos talents, et nous verrons. » Restif n'osa pas dire qu'il était marié, et garda cette scène à effet pour son roman, où il employa consciencieusement les lettres écrites à deux fins. la jalousie innocente des deux sœurs, l'arrestation, la scène du père, dont il fait un anglais parce qu'alors Richardson était en voyage. Il y ajouta quelques épisodes de ses propres aventures et renforça le tout d'un caractère de jésuite, qui, devenu père d'une fille, la marie en Californie. Pays, dit l'auteur, où l'on est pour le moins aussi stupide qu'au Paraguay. Le manuscrit fini, Restif voulut consulter un Aristarque. Il choisit un certain Progrès, romancier et critique, dont le chef-d'œuvre était la poétique de l'opéra bouffon. Progrès lui fit couper la moitié du livre. Il fallait encore demander un censeur. On pouvait le choisir. Restif obtint M. Albaret, qui lui donna une approbation flatteuse. « Cette approbation, dit Restif, m'éleva l'âme. » Il se hâta de l'envoyer à M. Bourgeois, le marchand de soieries, en le priant de lui permettre de dédier l'ouvrage à Mademoiselle Rose. Le marchand répondit en déclinant cet honneur dans une lettre fort polie. « Comment, dit l'auteur, pouvais-je alors imaginer qu'il me serait permis de dédier un roman à une jeune personne aussi belle et d'une classe de citoyens qui doit rester dans une honorable obscurité ?» L'ouvrage fut vendu à la veuve du chêne 15 livres la feuille, ce qui fit plus de 700 francs. Jamais Restif n'avait eu dans les mains une si forte somme. Il quitta dès lors fort imprudemment sa place de prote. L'axe de sa vie était changé désormais. Quant à Rose Bourgeois, il ne la revit plus. Mais il aurait manqué quelque chose à l'aventure si le hasard n'y avait ajouté un dernier élément romanesque pour couronner ceux que la volonté de Restif avait créés. Les deux sœurs étaient petites filles d'une nommée Rose Pombelin, dont le père de Restif avait été amoureux. Supposez ce père moins vertueux qu'il ne l'était en réalité, et voici tout un drame de famille, d'où peut sortir un dénouement terrible. En fait de combinaisons étranges, on n'en demanderait pas plus, même aujourd'hui.